Allô, allô, monsieur Louis. Monsieur Sébastien Coué. Oui. Alors, monsieur Sébastien Coué, je suis très heureux d'avoir la possibilité de converser avec vous. Alors, alors, dans ma chambre d'amour, j'ai mon lit, bien entendu. Bonjour, quand même. Auprès de mon lit, savez-vous ce que j'ai, monsieur Coué? Non, un pot de chambre. Non, non, pas un pot de chambre. J'ai mon premier récepteur de télévision. À côté, j'ai mon premier magnétoscope. Savez-vous à quoi j'utilise, monsieur Coué? Monsieur Sébastien Coué, à mon premier récepteur de télévision et mon premier magnétoscope. Allô, à visionner mes cassettes vidéo qui sont imprimationnées, enregistrées. Alors je mets une cassette vidéo à l'intérieur de mon... Ah oui, j'ai trois télécommandes. Alors j'appuie bien entendu sur le bouton menu de ma télécommande. Ça affiche sur le haut de l'écran. Installation, programmation, alors je fais descendre la barre sur le mot installation. Alors j'appuie sur le bouton, alors ça fiche, ça fait CHPR. J'appuie sur le chiffre 23. Alors je vois aussitôt les programmes qui mettent le son à fond parce que heureusement que je suis dans une maison particulière. Alors je fais descendre la barre sur le 1. Savez-vous ce que je fais, monsieur Coué? Alors je sais pas, j'appuie monsieur. Après sur le bouton, il dit c'est merveilleux, ça affiche sur l'écran de mon récepteur de télévision. Je mets ma cassette bio interne au magnétoscope. Savez-vous ce que je vois sur l'écran de mon téléviseur? Non, je sais pas. Je vois, maestro, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la mezzo-soprano Anne-Sophie Bonnefère. Alors, écoutez, c'est magique. Par quel miracle extraordinaire, monsieur Sébastien Caouette. Allô? Caouette. On dit Coué. Coué. Monsieur Coué. C-A-U-E-T. C'est exactement. Bien ça. Absolument, tout à fait. Je voudrais vous poser une question, monsieur Sébastien Coué. Oui, est-ce que madame Stéphanie est là? Exactement. Tout à fait. De Foun Radio. Madame Stéphanie de Foun Radio. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux. Votre femme a les yeux bleus? Ah ben bien sûr. Dans le bleu de tes yeux, j'y ai vu mon amour, un éclair merveilleux qui revient toujours. Allô? Est-ce que vous... Et Luis Mariano? Ah, Mexico! Sous ton soleil qui chante, y es-tu cela toujours le paradis des cœurs et de l'amour? Mexico, Mexico! Vous connaissez le ténor Tony Gama? Absolument. Ouais, Tony Gama. Alors, Tony Gama nous chante. Allô? Valse de vie. Ah non, c'est, vous connaissez la mezzo-soprano, madame Frédérique Barbier? Ouais, elle est morte. Valse de Vienne, valse d'un jour, valse de Vienne, valse d'amour. Soudain, qu'est-ce que je vois apparaître sur l'écran de mon ami? Les chemins de la foi. Madame Marlène Tempier apparaît. Elle dit bonjour, je vous souhaite un bon dimanche. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir suivre l'émission religieuse, les voix bouddhistes. Elle disparaît de l'écran. Madame Catherine Barry apparaît sur l'écran. Bonjour, je vous souhaite un bon dimanche. Alors, je vais vous présenter mon invité, monsieur Odon Valette. Madame Véronique Crombet. J'imprime tout ça, bien entendu, sur ma bande magnétique, bien entendu, en cassette vidéo. Alors, il est environ 9h moins le quart. Savez-vous ce qu'elle nous dit, madame Catherine Barry? Elle nous dit, voilà, je vais vous présenter les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. Vous pouvez toujours écrire. J'ai pris un café. Elle dit, ça va, vous sinon? Je revois madame Marlène Tempier. Vous savez ce qu'elle dit, madame Marlène Tempier? Qui est l'animateur Jackie? On s'en branle. Elle a présenté pendant des années le club Dorothée. Je vais la mettre un peu dessus, là. Comment Eva Dorothée? On s'en fout. Et les musclés? Ils sont crevés. Boire un petit coup à la maison. On accorde. Il écoute pas, il veut pas les réponses. Monsieur Eric Payet nous dit au revoir. Ok, bah moi aussi, je vais dire au revoir. À tout à l'heure.